Le dirigeant suprême Kim Jong-un a dirigé la compétition de pilotage 2017 des commandants des forces aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée. Il est arrivé à l'aéroport à 9h du matin. Dans son allocution, le colonel général Kim Kwang-hyo, commandant des forces aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée, a dit « La compétition de pilotage 2017 des commandants des forces aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée est significative car elle encouragera davantage tous les commandants de l'aviation à se former en phénix capable de battre l'ennemi à un contre-son, de faire la sortie avant les autres en criant « en avant derrière moi » une fois donné l'ordre et de détruire d'un seul coup toutes les cibles, y compris le porte-avions ennemi, et incitera toute l'armée à achever les préparatifs de combat pour la réunification nationale. Je suis certain que tous les commandants et pilotes manifesteront l'esprit militant et l'invincibilité de l'aviation Kim Jong-un à travers la compétition qui se tient au jour historique marquant le 80e anniversaire de la victoire dans la bataille de Potsdam, et je déclare l'ouverture de la compétition. Le dirigeant suprême a donné l'ordre de sortie et dirigé la compétition au poste d'observation. À la compétition ont participé les groupes des chefs de division et de brigade, de régiments des chasseurs, des bombardiers et des avions d'assaut, de régiments des avions de transport léger, des hélicoptères, des avions de l'enseignement et de jeunes pilotes diplômés des établissements de formation des pilotes. On a classé selon les notes estimées par divers appareils d'observation, de décollage, d'assaut, de vol en rase-motte, de tour latéral, de vol pour l'interception, de combat libre et d'atterrissage. Les avions légers ont volé en portant les drapeaux du Parti du Travail de Corée et du Commandant Suprême et les chasseurs ont effectué les vols d'habileté. Le dirigeant suprême a dit avec satisfaction que les pilotes effectuent bien les vols d'habileté, qu'ils ont montré sans réserve l'art de pilotage scientifique et impeccable. Le commandant Kim Kwang-hyo, les chefs de division et de brigade ont réussi à l'attaque des cibles, au vol en rase-motte et au tour latéral au-dessus de l'aéroport, ainsi qu'à l'atterrissage. Les chefs de régiment et les jeunes pilotes aussi ont réussi au décollage par couple, à l'assaut, au vol en rase-motte de 30 mètres, au tour latéral en montée par couple, au combat libre et à l'atterrissage. À la vue de la compétition bien animée, le dirigeant suprême a dit d'un air content que la compétition a été la meilleure jusqu'à présent. A eu lieu de nouveaux vols d'habileté en guise de félicitations de la compétition. Le dirigeant suprême s'est exprimé très satisfait de la compétition et a donné les directives pour l'achèvement des préparatifs de combat de l'aviation. Le dirigeant suprême a rencontré et encouragé les jeunes pilotes qui ont manifesté l'esprit militant et le courage de la nouvelle génération et s'est fait photographier en souvenir avec eux. Les officiers et soldats de l'armée populaire de Corée ont assisté à la compétition.